Inspire. Martine. Petit enfant modèle. Dans toutes les bonnes librairies. Dans toutes les bonnes bibliothèques. Toutes les bonnes familles, traduite en 62 langues, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Colorier à la boîte en tartine, de la robe rose à la montre en plastique, des autocollants à coller sur le frigo ou sur le lit des enfants. Martine, petite maman. Martine chez le médecin. Martine fait du vélo. Martine fait ses devoirs. Martine à la ferme. Martine ferme ta gueule. Martine est contre les drogues. Martine est son ami le noir.